Radio Bon Coin. En ces temps difficiles, le Bon Coin a besoin de s'exprimer. C'est pourquoi Radio Bon Coin présente La Bonne Chronique. La Bonne Chronique. Un espace d'expression pour le Bon Coin qui le souhaite. La Bonne Chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la Cuisaison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Dada Lolo. Oui, la Bonne Chronique. C'est salut, Orion. C'est toujours la déglingue. La Bonne Chronique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique sur la radio des bons cons. Aujourd'hui, on va ensemble parler de nature, des animaux et des animaux que vous pouvez trouver dans votre jardin. Donc, je m'adresse aux gens qui, dans ce confinement, ont la chance d'avoir un jardin ou aux gens qui n'ont aussi pas de jardin mais qui s'intéressent vachement aux animaux, à la nature, aux oiseaux. Dans ce premier épisode, j'ai décidé de parler des hérissons, puisqu'en effet, cette semaine, j'ai moi-même trouvé un hérisson dans mon jardin, et j'ai été contacté par Ophélie, qui gère cette radio d'une main de maître, car elle et son compagnon ont trouvé trois hérissons qui étaient tombés dans un trou dans leur jardin, et ils m'ont contacté pour savoir comment s'en occuper. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de donner des conseils à ce niveau-là? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai travaillé en centre de soins de la faune sauvage, en France et en Grèce. Ça veut donc dire que j'ai appris comment faire pour aider ces animaux-là. Attention, je suis pas vétérinaire, et il faut pas prendre tout ce que je dis pour acquis, parce que comme tout le monde, je peux me tromper. Mais en tout cas, je peux vous donner des petits conseils qui peuvent vous permettre de sauver ces bestioles. Alors, que faire quand on trouve un hérisson? Déjà, un hérisson, s'il n'est pas blessé, vous le laissez tranquille. Il faut surtout pas trop s'amuser avec les animaux de la faune sauvage, parce qu'il faut surtout pas qu'ils s'habituent à l'homme. Sachez qu'un animal qui est habitué à la présence humaine perd son instinct sauvage, et du coup perd des chances de survie dans la nature. Donc si on voit un hérisson, on le laisse tranquille. Vous aurez très peu de chances de voir des hérissons, puisque ce sont des animaux nocturnes. Ils sont donc actifs en période de nuit, et nous en période de nuit, généralement, on dort ou on boit. Moi, dans mon cas, le hérisson que j'ai trouvé, on l'a entendu s'agiter la nuit pendant qu'on faisait un peu la fête. On allait le voir, le prendre des petites photos, mais on l'a pas plus dérangé que ça. Hein. L'idée, c'est vraiment pas de le mettre dans une situation qui le mettrait mal à l'aise. Pour ce qui est d'Ophélie et des hérissons qui ont été trouvés dans son jardin, ils ont été trouvés tous les trois au fond d'un trou, sans savoir depuis combien de temps ils étaient là. Bon, alors à ce moment-là, l'idée, c'est quand même de vérifier qu'ils sont en forme et de les garder un peu avant de les relâcher. Hein. Même si l'objectif final c'est de les relâcher, on ne garde pas les animaux sauvages en animaux de compagnie, c'est assez illégal on va dire en fait. Alors, que faire voilà, pour vérifier qu'ils font bien? Bah déjà voir s'ils bougent, s'ils réagissent quand on les agite un peu. Et ensuite comment faire pour s'en occuper? Déjà la première chose, peu importe l'animal que vous allez trouver, si vous en trouvez un, il faut lui donner de l'eau. C'est hyper important. Et selon le temps où vous allez le garder, il faut changer cette eau assez régulièrement, parce qu'un animal, c'est comme un humain, ça chie beaucoup, sauf qu'à la différence de l'humain, c'est que ça choisit pas où ça chie, et ça peut chier dans son eau. Et vous voulez pas vous occuper d'animaux qui boivent leur caca, parce qu'en fait, vous allez pas les aider. Deuxièmement, de quoi on peut les nourrir? Alors il faut pas leur donner n'importe quoi, le truc le plus simple, que beaucoup de gens ont sous la main, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens, ce sont des croquettes pour chats, les hérissons en raffolent. Donc ça, faut pas hésiter, vous leur en donnez un peu. Une fois qu'un hérisson s'est bien nourri, s'est bien abreuvé, et que vous voyez qu'il est en forme, vous pouvez le remettre dans le jardin, essayer de le relâcher plutôt à la nuit tombée, hein, dans sa période d'activité, plutôt qu'en pleine journée. Loin de vos animaux de compagnie, hein, qui pourraient aller l'embêter, chat, chien, voilà. Quand vous gardez un animal en captivité, il est important, du coup, comme je le disais plus tôt, de ne pas avoir trop de contact avec lui. Le mieux, c'est pas qu'il vous entende et même pas qu'il vous voit. Essayez de trouver une cage ou un carton assez profond pour qu'ils puissent pas s'en sortir et de le recouvrir avec un tissu, comme ça, ça coupe la vision qu'ils ont sur vous. Voilà, c'est les petits conseils que moi je peux vous donner pour vous occuper de ces animaux-là. Vous n'allez pas trouver des hérissons blessés tous les 4 matins, mais ça peut arriver, on sait jamais. Et je pense qu'il est important qu'on ait ces connaissances-là. C'est un minimum qu'on peut faire pour aider la nature, hein, qui va revenir de plus en plus en ce moment comme on est confiné. J'espère que cette première chronique vous a plu, ça me fait très bizarre de parler devant un micro comme ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais si ça vous plaît, j'ai d'autres choses de prévues en stock dont je peux parler sur les animaux et la nature. Et enfin, si vous voulez m'aider, comme je suis une grosse galère, à trouver un nom qui peut être fun peut-être pour cette chronique, parce que là pour l'instant on va parler de la chronique nature pour plus d'idées, on peut faire un petit jeu concours sur la page Facebook, afin que vous m'aidiez à trouver un nom qui me permettra ensuite de faire un jingle pas piqué de hanneton. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon confinement. La bonne chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la Cléfaison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la bonne conne. C'est Salut. Orion. C'est Jou la Déglingue. La bonne conne. La bonne chronique.